Monsieur, attention! Vous n'avez pas vu le feu rouge? Mais madame, c'est vous qui êtes passée sans regarder. Ça, c'est extraordinaire! C'était au rouge pour les voitures! Pas du tout! Vous avez couru sans regarder! On regarde avant de traverser! Ça, c'est incroyable!